Est-ce que les Murji'a sont des mécréants? Cheikh Abdelrahman ibn Tanah al-Mukhlef. Question. Les Murji'a, les pseudo-salafis, sont-ils mécréants? Quelle est la déclaration qui les fait sortir de l'islam? La réponse. Le nom El-Irja, qui est traduit littéralement par retarder, car les Murji'a retardent les actes de la foi. Donc le nom de El-Irja s'applique sur quiconque a réalisé la base de l'islam, qui est la soumission à Allah Ta'ala et le délaissement de la soumission à autre que lui, et d'avoir conviction que cela est le principe fondamental de l'islam, le asl du din. Ainsi, celui qui n'a pas réalisé ce principe n'a pas réalisé l'islam. La réalisation de ce principe fondamental fait de l'homme un musulman, sans tenir compte qu'il soit un murji ou autre. Toutefois, ce musulman peut sombrer dans l'innovation qui est en contradiction avec la doctrine des prédécesseurs et devient par cela un innovateur. Les murji'a sont des innovateurs et non pas des mécréants. Et ceux qui ont excommunié les murji'a extrémistes l'ont fait à cause de leur violation explicite des textes qui indiquent que la foi est parole, acte et conviction. Les murji'a se divisent en trois groupes. Le premier, les murji'a juristes, ceux qui croient que les actes ne font pas partie de la foi et que la foi est seulement parole et conviction. Toutefois, ils ont pour croyance que l'islam n'est pas valide sans le désaveu de l'idolâtrie extérieurement et intérieurement, et que quiconque transgresse un ordre d'Allah, comme celui qui boit de l'alcool, est un pécheur qui mérite une punition, que ça soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. 2. Les karamites, qui eux croient que la foi n'est qu'une simple prononciation, en confirmant tout ce que les musulmans reconnaissent concernant la réalité de l'islam. Mais ils contredisent les textes coraniques et prophétiques en omettant l'acte et la croyance de la foi, tout en ayant la conviction de la réalité de l'acte et de la croyance. 3. Les murji'a extrémistes ou les jahmites. Ils soutiennent que la foi est une simple confirmation. Il a été rapporté que les prédécesseurs les ont excommuniés à cause de leur mécréance, qui n'était pas due à leur ignorance de la réalité de l'islam, car ils croyaient que quiconque commettait un acte d'infidélité manifeste ne pouvait être musulman en apparence, et que quiconque commettait un acte d'infidélité intérieur ne pouvait non plus être un croyant. Mais l'erreur qui fut le motif pour lequel les savants les ont bannis de l'islam était le fait qu'ils dirent que la foi est une simple confirmation. La deuxième parole concernant la déclaration sur l'absence de corrélation entre l'extérieur et l'intérieur. Ils dirent que quiconque ait commis un acte de mécréance extérieure était selon eux un mécréant en apparence. Et s'il a cru en cela dans son fort intérieur, il était intérieurement mécréant. Mais s'il commit cela extérieurement, cela n'impliquait pas qu'il soit un mécréant intérieurement. Ainsi, ils ont instauré une analogie entre ce cas et le cas de celui qui est contraint, ou la situation du juge, lorsqu'il émet un verdict et qu'il est appliqué. Il se pourrait qu'intérieurement, il ne soit pas conforme à la vérité. Et ceux-ci furent considérés comme des innovateurs à l'époque des savants antiques. Quant à notre époque, ceux qui sont nommés murjites ne sont absolument pas musulmans à la base, puisqu'ils ne rejettent pas l'idolâtrie et croient que quiconque adore un autre qu'Allah peut être musulman et que l'islam est valide sans le désaveu de l'idolâtrie. En effet, les murji'a contemporains ou pseudo-salafis font partie des plus grands défenseurs des tawarites législateurs. Ils inventent toutes sortes d'ambiguïtés et de subterfuges pour ne pas les bannir de l'islam. Ils leur ont prêté allégeance et combattent pour eux et considèrent égarer toute personne qui s'oppose à eux en les traitant de tekfiri et de khawarij et d'autres sobriquets de ce genre. alors que le statut de celui qui se met à l'égal d'Allah dans sa seigneurie est clair et explicite dans les textes divins, à part pour celui à qui Allah a voilé la vue et aux hypocrites. Le jugement d'un musulman ou d'un idolâtre n'est pas lié au nom, mais à la croyance. Quant à celui qui est défini en tant que murji, s'il adore un autre qu'Allah, n'est pas musulman. Et sa dénomination ne signifie pas qu'il adhère et croit en la doctrine de l'irjé et qu'il doit être jugé comme les murjites, que les savants définirent comme étant des innovateurs. Les ibadites font partie des khawarij. Les savants les définirent comme étant des innovateurs et non comme des mécréants. Mais à l'époque des savants du Najd, tous les ibadites adoraient les tombes et niaient les noms et les attributs d'Allah. Shir Suleyman ibn Sahman a dit « Et lorsque certains parmi les frères considérèrent mécréants les ibadites de cette époque, c'était pour le fait que ceux-ci accrurent dans le mal contrairement à la doctrine de leurs prédécesseurs et aïeux, et contrairement à la doctrine des kharijites, en adoptant la doctrine des mu'tazilis, et la croyance des adorateurs de tombeaux, comme le sacrifice pour autre qu'Allah. » Certains savants du Najd ont dit « Les ibadites de cette époque ne suivent pas la même voie que leurs prédécesseurs quant à ce qui nous est parvenu. C'est que leur religion est identique à celle des adorateurs de tombeaux. Ils ont adopté d'autres positions de mécréance que nous ne mentionnerons pas. Et quant à celui qui se trouve dans cet état, il n'y a aucun doute de sa mécréance et ne le considère musulman qu'une personne perturbée dans sa raison et dans sa religion. Quant à ceux d'aujourd'hui qui sont nommés Murji ou Rafidi, et n'ont absolument pas réalisé le principe fondamental de l'islam, comme le firent les murjites et les rafidites du passé. À l'époque des compagnons et des anciens savants, les rafidites manifestèrent l'idolâtrie, mais ce n'étaient pas tous qui donnèrent des associés à Allah. Par contre, à notre époque, l'idolâtrie est devenue la religion adoptée par ces sectes. Fin de citation.